Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique Classic Oldies. On va parler aujourd'hui d'artistes français, enfin. Et ce sera Ange, un des meilleurs groupes de rock progressif de l'Hexagone, et peut-être le plus connu. A l'inverse de Téléphone ou encore Indochine, il faudra un peu plus se fouiller pour trouver leur discographie. En effet, très peu adeptes des médias et parfois difficilement accessibles à la radio, rock progressif oblige, Ange a constitué un public disons plutôt underground. Pourtant, me direz-vous, leur carrière s'étend de 1969 à aujourd'hui encore, et ont à leur palmarès 6 disques d'or et des millions d'albums vendus. Underground peut-être, mais adulé par de nombreux mélomanes. Le cœur du groupe, c'est Christian Descamps, véritable écorché vif, à la voix démoniaque qui écrit et compose la majorité des chansons de Ange. Aucune crainte si vous ne comprenez pas tout le sens de ses textes, ses jeux de mots et tournures de phrases accompagnés d'un style très médiéval et théâtral, le tout mêlé au rock, crée une véritable patte originale et marquante. Si leur musique ne vous satisfait pas suffisamment, il faut les voir en concert, un grand numéro de spectacle, de longs moments instrumentaux improvisés totalement jouissifs. Ils ont cette capacité à créer un univers unique. On peut définir leur âge d'or dans les années 70, époque où le rock progressif est à son apogée. Leurs débuts sont marqués par la reprise de la chanson de Jacques Brel, « Ces gens-là ». Puis arrivent les albums studio, parmi eux on retiendra Au-delà du délire, Émile Jacoté ou encore Guet-apens. 8 albums dans les années 80, 2 dans les années 90 et 7 depuis 2000. De quoi trouver son bonheur dans toute cette discographie. Ces années leur ont permis de varier un peu leur style en donnant des aspects plus pop sur certains albums. Globalement, rien n'est à jeter. Bien sûr, Descamps ne fait pas tout, on retrouve à ce jour les excellents musiciens Benoît Casulini à la batterie, Thierry Sidoum à la basse, Hassan Hadji à la guitare et Tristan Descamps, le fils de Christian Descamps, qui remplace depuis 1997 Francis Descamps, son oncle. Tristan Descamps, tout comme son oncle auparavant, est au clavier. Parlons-en d'ailleurs des claviers, instrument omniprésent au sein de leur musique et qui est principalement à l'origine de leur style si particulier. Mélotron, orgue Hammond ou bien orgue Viscount, traficoté, tous ces claviers se mêlent, se complètent et produisent ce son si atypique. Les avoir vus en concert reste une expérience magistrale pour ma part, même 50 ans après leur formation initiale. Mais enfin, quoi de mieux que la musique pour illustrer mes dires, avec comme premier coup de cœur le morceau Capitaine Cœur de Miel. D'une durée de 14 minutes, la musique conte l'histoire d'un capitaine peu sobre au bord de l'eau. Descamps fusionne avec ce personnage et l'incarne avec brio. Les solos de guitare en dualité avec la voix sont puissants. Et quand on croit que le morceau se termine, on nous plonge en fait dans un univers funeste avec Descamps qui vient chanter son testament final, avant que la guitare ne conclue cette épopée musicale. Captain Cœur de Miel est la quintessence de Ange. L'album Émile Jacoté est en fait le nom d'un ancien maréchal qui va raconter sa vie à travers les musiques. De cet album, le titre Ode à Émile est mon second coup de cœur, un des classiques du groupe. Sans véritable refrain, la plume de Descamps resplendit une fois de plus. Plume que je vous laisse écouter. Ode à Émile. Jamais été vieux. La ne souffles plus. Tu ressembles à ces chercheurs d'or qui auraient un secret de plus. Ta bouche est sucrée. Et enfin le morceau à Colin Maillard qui introduit l'album Guet-apens, un de mes albums préférés, dans lequel on retrouve Capitaine Cœur du Miel, cité précédemment, et le morceau qui sera diffusé en fin de chronique. À Colin Maillard confirme bien l'omniprésence des claviers qui séduisent par l'effet planant et enchanteur. Une fois de plus, rien à dire sur les solos de guitare et la voix de Descamps qui respire la musique qui la hante. Ange fait la fierté de la France et prouve que nous sommes capables de produire des œuvres originales et innovantes. Alors longue vie à Ange. Je vous laisse avec le morceau Réveille-toi, bienvenue dans le monde du progressif et à bientôt sur RJR. J'attendais que les enfants s'endorment. Il a fallu raconter une histoire. Quand le gardien a fait chanter la grille de ton caveau nimbé de brouillard, alors je me suis avancé sans bruit. Une légende, mais un être dont la seule beauté étoufferait l'éclair de l'orage, les épées du soleil. Réveille-toi, je veux que mon envie dépoussière ton hymen à grands coups de tendresse, qu'il oublie sur ta peau l'ombre de mes désirs. Réveille-toi, j'entame un long chorus de liquide vagabond sur ta chair musique. Non. Non, non, je ne crois plus en ce coma éternel, tombé comme un satyre, détonnant le plaisir que tu avais de vivre. Réveille-toi, écarte tes paupières, je veux revoir tes pleurs me parler d'une joie que nous avons perdue. Réveille-toi. Mais l'excuse, si je suis un... ça y est. Oh, je te fais l'aide à te chavir. Tu danses, tu chantes, tu chantes.